قريت ديش فان البويكوت سكولير اللي قلنا ذاك من ليسيون ليسيون كيما ليسيون شو خيرا شبحان سوق روي والشبحان الشبحان مزون دلاز دلاز كيثني شبحان يجوج وقف يدغغن يدغغني في مشطوطان دقين شمل ودغز ورن مارس des élèves qui ne sont pas majeurs, soient privés, y compris par leurs parents, d'école pendant une année, moi ça me pose problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est une démarche qui ne colle pas. C'est une démarche qui ne colle pas. C'est pas possible, de, en étant parent, en étant citoyen, de dire à ses enfants, bon, moi je conteste ceci ou cela, il n'y a pas d'école. Il n'y avait pas eu de consultation des parents. Moi, je me souviens que mes enfants étaient dans une école ici en ville à Tizi Ouzou. Et on a essayé, l'association des parents d'élèves a essayé d'avoir un débat. Et on nous a traité presque de tous les noms. Et donc, dans ce climat-là, il y avait eu un climat de tel que, bon, ben, tout le monde s'est soumis. Et donc, le boycott a été lancé. Le premier jour de la rentrée, nous nous faisons parce que les élèves, Adeline et l'école, donc nous sommes et les villages. On a décidé de lever le drapeau et de descendre le matin. Bien sûr, il y a l'intérêt d'Aïra de faire des problèmes. Mais le Kouni de Guerre, tous les villages ont suivi. Donc reste à nous de gérer un peu la situation. Et bien sûr, la réunion qui sera le plus urgent, ce qui m'y vient. Comment gérer notre boycott et la suite à donner. Bon, annexer les enjeux politiques, annexer les stratégies politiques, annexer le rôle de quel parti politique. Qui on peut lire là, on peut lire sur les choses. Le plus important, on peut le faire. C'est que avant et après le boycott, c'est la chose de plus. Personne ne peut le contester. D'accord. Donc, à qui venir? Par exemple, à l'université, c'est que je ne regrette rien. À l'époque, je soutenais de toute ma conscience. Et si c'était à refaire à Knedina, à Théaouda, je suis enseignant, je suis content que Thamazir soit à l'école. Je suis surtout content que le président le dise, le déclare. Le président et toute la République et toutes les communautés, y compris arabes, sont en Inde, qui sont à Mazir, parce que le président de la République l'a déclaré à la télévision. C'est un changement, un revirement d'opinion. Zik jamais le hashtag. Zik de l'évêque d'Hadro. Il dit à Hadro, Zik Thakve, il dit à l'évêque aussi d'Hadro. Il dit à l'évêque aussi d'Hadro. Il dit à l'évêque aussi d'Hadro. C'est un acquis. c'est un acquis indiscutable. J'ai deux enfants. والله العظيم ما تقيد ما انا الى ما ايمان يوم سخنا هاد الصغار اصلا ما شطوح لنا في ريفيزيون ما تقيد ما انا لي زوتر ما تي راكني دو كامل في الناس دونك فرحه مليح ما لو ياك مني ان شاء الله هذا كمي الكومبا يا ديني اسكو هذا نوضه اللي بغينا فوالا لي كي سيرا دنيا سي ديال Personnellement, je ne regrette qu'une chose, c'est que le boycott, l'université, c'était le terrain ou bien l'occasion ou bien le milieu où je pouvais voir ma fiancée. Le boycott ici, c'est un qui se marre d'un débat. Un Iran, voilà. Un Iran, c'est d'un ou d'un. Voilà. Ok, c'est pas un sacrifice, c'est même. Il ne faut pas que les gens soient égoïstes, voient l'intérêt de leurs enfants, c'est l'intérêt de la cause. Je veux bien. Je veux bien. Mais la citoyenneté, c'est aussi... C'est aussi le citoyen, en tant qu'individu, le citoyen qui donne son point de vue, qu'on consulte, qui peut ne pas être d'accord. Alors qu'à l'époque, j'ai encore les coupures de presse, quand des gens, une association, une personnalité, en dehors des personnalités, du pouvoir à proprement parler, hein, je parle de citoyens, avaient un point de vue divergent, disant c'est pas une voix, c'était tout de suite la trahison, etc. etc. Alors aujourd'hui, on peut dire, oui, bon, l'année a été perdue, mais on a gagné. Mais on a gagné quoi? On a gagné à l'époque la mise en place du HCA, qui est une bonne chose, mais on n'a pas avancé du tout sur la reconnaissance de la langue, amazigh, comme langue nationale, au moins à cette époque-là. C'est vrai qu'on a gagné aussi l'introduction de cette langue à l'école, ce qui est une très bonne avancée, mais évidemment, je pense que les dégâts ont été importants. Les dégâts ont été importants puisque les enfants qui ont perdu cette année-là l'ont perdu de façon irrévocable. Avec du recul, donc je fais partie du comité de la cité de la cité de résidence d'Ezra. Je fais partie de la coordination locale. Et quand il faut faire une marche, on l'a fait, on l'organise et tout. Mais les défenseurs de cette langue réveillent, donc. Ils ne sont pas unis. Il y a eu une guerre d'idées, une guerre de concepts. Le concept éthique. Et puis voilà, le pouvoir, il fait valide. Voilà, il a divisé pour régner. Et puis la cause n'a pas atteint le but assigné dès le départ. Et qui sont les gens qui ont bavé? Ben, malheureusement, c'est... C'est les écoliers, les collégiens, les lycéens, les universitaires, ouais. Malheureusement. Ouais. Donc c'est ce qui fait mal, c'est que on a perdu comme ça une année d'études. Il y a des gens qui avaient toute leur vie étudiantine brisée à cause de cette année. Déjà sur pour faire un dossier de poursuivre des études à l'étranger, il faut justifier l'année du boycott. On a toujours ce papier qui dit que l'année de 94 et 95 n'est pas considérée à cause du boycott. C'est important quand même. C'est-à-dire dans le cycle universitaire, quand même c'est une lacune, c'est un point noir. صار نفس تعرفيه تو هي بس فات ليش نلوا لا هو كان مثل النوع الرسمي ده شحال شحال لك يا زكي بريمريكس عن صغارين في الناس Donc là, il est la commune, hein. La commune. Ouais. Enfin, les deux communes, la circonscription de Bousquet. De... Donc, une salle, moins 2, 4, 6, 17 écoles, c'est pas toutes les écoles. Et rare en Témazière, sur 20. Dans, c'est-à-dire... Ouais. Enseignants qui recrutent officiellement. Il y a des vacataires et il y a depuis l'examen bien sûr l'année dernière c'est un examen donc il y a des titulaires sur le poste. Mais ils ont pris deux enseignants pour cause c'est-à-dire oui à la Guinée ils sont toujours vacataires en attendant l'année scolaire prochaine. Mais les postes budgétaires existent, c'est-à-dire sur le papier. Ouais. Voilà. C'est-à-dire, tu as commencé à faire en 2005, et commencé à faire le week-end en Rwanda depuis 2005. Et je me suis dit, pendant 4 ans, je suis allé à avec la cité, la charte de la victoire à Kaguinien, on va rester avec l'édition. Donc on fait tout. L'exemple, l'hiver de Mazir, c'est le plus cher et l'immanuel scolaire à Kathour. Ni l'hiver, bon, ni l'hiver Taraf, ni la Tromis, ni les maths, ni les maths, ni les maths, ni les maths, ni les Donc c'est ça, voilà, on encourage les Mazir de la couche. Et on va venir ici, d'acheter une voilà. Un FKSN, mais on va venir à Saron, on va venir à Il ne suffit pas de dire on veut enseigner ta Mazir à l'école. Je veux bien, mais où? Dans quelle classe? Toutes les classes, les premières années, sous forme d'obligation, est-ce qu'on en fait. Un enseignement obligatoire ou un enseignement facultatif. Comment? En utilisant quel alphabet? L'alphabet le latin, l'arabe, tifinère. Je ne peux pas décider comme ça en tant que chef de gouvernement, faire une circulaire, dire enseigner ça en arabe, enseigner ça en français ou en latin, enseigner ça en tifinère. Parce que l'objectif, c'est l'efficacité. Comment l'enseigner? Et puis, il y a aussi une nécessité, je l'avais dit en son temps, d'homogénéiser cette langue, d'en faire une langue. Je ne dis pas qu'elle n'est pas une langue, mais d'en faire, même dans sa structure, une langue unique. Pour tous les Algériens. Cette grève a été déclenchée à la rentrée scolaire de 1994. Rentrée qui avait été en même temps interdite par les GIA dans toute l'Algérie. Et il fallait que la rentrée ait lieu. Et le gouvernement avait tout fait pour que la rentrée ait lieu malgré l'interdiction par les GIA. Et le gouvernement. Le gouvernement a fait ce qu'il devait faire. Mais c'est surtout la population algérienne. Les parents d'élèves ont osé envoyer leurs parents, leurs enfants à l'école. Et les enfants ont été, surtout les enfants, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moyens, il y a des gens qui sont conscients. Et ceux qui étaient conscients n'ont pas eu peur, ils sont allés participer à la rentrée scolaire. Et il y en a qui sont morts parce que il y a des enseignants qui ont été égorgés en pleine classe en présence de leurs élèves, il y a des jeunes filles qui étaient égorgées à l'entrée du lycée, mais la rentrée a eu lieu. Donc cette grève, est, quoi qu'on dise, était mal tombée. J'étais en place derrière. Il ne veut pas parce que Chris le travaille, mais ça a été le temps تنرنو من ساعة نكونيو نرنيو تسوقت تنجيني بتتخ أسن نتفكر شيء ناس نسا طبعا كل واحد مش لقفي لي حوش تمسلي ثنا تصغان ورا ونا سفكن لن نقلق بشي تنرنيو لما كان سيتو شو شو حوش نقفي حوش كان ليدونتيتي سنتي لي تنرنيو Moi, je me souviens quand j'étais petite, les années 80, les lèvres qui devaient souffrir. Quand j'étais au primaire, souffrir, qui devaient finir, tu fais une devoir, parce que je suis regardé, ou une qui devait se mesurer, faire un acte. Mais Mais à partir de 1997, on aura mais sur le plan concret, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que Cette langue est-elle une langue algérienne? Si elle est algérienne, elle ne peut être que nationale. Si elle n'est pas algérienne, qu'on nous le dise. Quel est le statut de la langue amazir qui est parlée par une écrasante majorité d'Algériens? Quel est le statut de cette langue? Quand on règle la question du statut, on peut passer aux autres questions relatives à la fonction de la langue dans la société, donc les questions institutionnelles. Mais vouloir régler la question institutionnelle avant la question du statut juridique de la langue est une fuite en avant et la preuve du HCA qui a été créée suite aux accords du 22, le HCA n'a absolument rien fait. Il a fallu que des gens se soulèvent, que des jeunes meurent pour que le pouvoir accepte d'inscrire le caractère national et encore de façon très très dévalorisante dans la Constitution. Il n'est pas dit que Tamazight est une langue nationale ou l'arabe et Tamazight sont les langues nationales de l'Algérie. D'ailleurs, je me souviens des dernières négociations, les négociations du 21 et 22 avril à la présidence. J'ai exprimé, j'ai dit quelque chose aux représentants de Zorwal, qui sont donc le général Bichine et Ouyahia, qui était l'un conseiller, l'autre directeur de cabinet. Je lui ai dit la chose suivante. Vous avez la chance aujourd'hui de discuter avec des gens rationnels, avec des gens sages, qui expriment de façon objective, qui sont ouverts à la discussion. Mais demain, vous aurez affaire à peut-être à un mouvement de type fascisant ou à des situations très dommageables pour le pays. Donc vous avez intérêt à trouver une solution aujourd'hui pour éviter un drame demain. Ils n'ont pas écouté. Il y a eu 2001. Le premier jour, le boycott scolaire, je me souviens, donc la première journée de la rentrée. Donc, les lycéens, les collèges, les parents, ils ne sont pas là. Et je fais d'ailleurs, c'est même le communiqué, le premier communiqué, la première déclaration. Nous attendons le il était d'accord. Il avait soutenu moralement en tout cas la démarche, voilà, la manifestation, il fait la décision. Même si je fais par fidélité, je dis non, Inès de Mustafa, mais l'école, je ne sais pas si je suis en train de faire l'école. Il fait un communiqué. Et l'anecdote que je voulais dire, c'est que le ministre en même temps enseignant, il s'est dit que je suis un monsieur ici, il a fait l'école. Donc je suis un titre pour dire effectivement que les gens qui ont fait les lycéens, c'est le cas. Les châtas, ils ont fait une mise en scène au cinéma, une parodie, c'est un des journal. C'est un des à l'époque de Mustafa, parce qu'il a été actionné en justice. C'est une scène de 7 mois après, à revenir. Une fois, il y a une vraie décision. Comme d'habitude, on se réveille. Il n'y avait rien à faire. Donc, on délève tard. On faisait des réunions. Malgré qu'on était petits, mais des fois, on faisait le sport. Mais vraie décision, une anecdote. Il m'a rendu responsable politique la guerre bousienne à l'époque. بس تدري كني قارن كن نهار نعم نروح نزرع ونتيني يا رون بضار فينا هدرا نكون زرع شو الشيء لكن ما كان سمع حسيس والله فا أنا دول ديو هين سي مسيو إكس دي بارتي إكس هدرا د فيجي ستة نطرة في نيري في ده هدرا نكون فقراء ما كان سمع حسيس كده والله فا يفرق أسيد يعني ها من هذه مثل نم لاني قنطف كل ما حنطف بس يوعث الله فيك شيء هناك المحيا سوى بحر الديفال on était un certain nombre de parents déjà. Quand je dis un certain nombre c'est quand même une bonne centaine dont certains étaient au niveau de l'association et on s'était posé la question en se disant bon on est au début du mois de mai il y a mai juin juillet septembre octobre 5 mois. Est-ce qu'il n'est pas possible de discuter et de voir la possibilité, au moins pour certaines classes, de rattraper un peu ce temps. On a pris rendez-vous, bon, discuter avec des gens qui sont susceptibles normalement de relayer. Et là-dedans, quelqu'un nous a dit... Il est en train de faire. Donc on a senti que bon finalement on était un peu les dindons de la farce. Et au bout il n'est pas cher de quoi nous renier ou renouer. Il est loin de renouer. C'est un bouche vénère ou un bouche vénère ou garan. Si mes quatre ou ce garan machin. الناس غرانا ندميضا بس كمشي تقير قلنسا ويضي الناس هنا كراوي وغرانا ندام دون البريفو البريفو يحبي سنة مي بون سي انكدوتيك سورا سي با سا كي في لو ماشي مي سي سيغنيفيكاتيف وي افكتيفمون يا دي جون كي اون كيتي تيزي وزوف باسكو اون بويكوت مي نو اون فولي با كيتي تيزي وزوف باسكو اون اي امبليكي دون الموفمون ستادير on ne doit pas laisser les bancs, mais on en place vite. Parce que pour nous, c'est quelque chose de... C'est notre langue et personne ne la défendra à notre place. C'est notre identité et personne ne la défendra à notre place. Donc s'il faut faire des sacrifices, c'est à nous de les faire. Donc c'est ça, c'est vrai que à l'époque, il y a des étudiants, il y a plusieurs étudiants qui ont fait des transferts dans d'autres universités. Mais nous, on a préféré de rester. Et perdre des années, malheureusement. Et ça va l'indé de Gora? Alors, les secourisme, je suis en train de secourir. La jeunesse et la population. Allez, femme au foyer. Elle était chômeuse de luxe, universitaire, chômeuse. National. D'ailleurs, bien ton mère de famille. Ça fait partie de la vie, hein. C'est des expériences. C'est des expériences dans la vie. Monsieur de l'Aïve Wunirlin, maintenant, de l'Aïve Wunirlin est Rimkin. Et la Wunirlin, elle est la vie. Et ainsi va la vie. Et elle nous dit à qui de donner, à Menora Sagat Sarlera, tu vois, comment elle m'a dit ce que ça. Et dans un combat, on n'est pas toujours vainqueur. Hein. On n'est pas toujours vainqueur. Quand on part dans une guerre, on est en train de se faire. Mais c'est toujours bon d'être un bon perdant. Même la perte, الراشد نسباني دلس النوغندة تفران الراشد نسباني دلس النوغندة تفران يا دنيا دنيا دستقسي